La momie du chauffeur de taxi, tout en allant. C'est ainsi qu'Alan Willis, un chauffeur de taxi britannique, se surnommait quand il a décidé de faire don de son corps à la science pour une expérience inédite. Mort en janvier dernier, il est en effet devenu la première personne depuis 3000 ans à être momifié à la manière d'un pharaon. Un documentaire le raconte.